Les sons G et J avec la lettre G. Activité 2A. 1. Guy. 2. Génial. 3. Magazine. 4. Girafe. 5. Nous mangeons. 6. Baguette. 7. Goûter. 8. Gymnastique.